11e chapitre. Hôtel de France, hôtel du Lion d'Or, une voiture particulière, monsieur, par ici. Voilà pour le Pouldu, pour Pont-Aven, un commissionnaire. L'unique voyageur autour de qui s'empressaient toutes ses offres était un jeune homme d'environ 25 ans. Il était grand, mince, élégant, vêtu d'un costume de touriste qu'on sentait coupé par un bon faiseur, mais auquel sa couleur inusitée donnait une certaine étrangeté. Ce costume était entièrement noir, depuis les hautes guêtres qui serraient les jambes bien prises du voyageur jusqu'à la casquette dont il était coiffé, suivant la dernière mode. Le jeune homme fit charger une valise et tout un attirail de peintre sur l'omnibus du Lion d'Or, mais il n'y monta pas. L'allure cahotante de la voiture ne s'accordait sans doute pas avec la hâte de sa pensée. Il gagna rapidement la place Saint-Michel. C'était jour de foire. Deux belles filles en vêtements de fête montaient vers l'église et babillaient gaiement. Elles le regardèrent et cessèrent de sourire. À quelques pas plus loin, elles se retournèrent pour le suivre des yeux. Certes, elles étaient assez jolies et de type assez pur pour tenter le crayon d'un artiste, mais le jeune homme ne les avait même pas vues. L'omnibus n'était pas encore arrivé que déjà le voyageur entrait au Lion d'Or. « Monsieur désire une chambre ?» Il considéra la jeune femme qui lui parlait comme s'il se fût attendu à voir une autre personne. Il passa la main sur son front et regarda autour de lui. Rien n'était changé. C'était bien l'ancien vestibule avec la porte du bureau à gauche, celle de la salle à manger à droite. Sur la place, les tilleuls formaient un épais couvert. Et devant la maison, fleurissaient les mêmes massifs de fuchsia, de roses et de ces grandes renoncules blanches du Japon, larges comme des dahlias. Les lieux étaient les mêmes, les hôtes seuls avaient changé. La jeune femme répéta sa question. « Oui, madame, répondit le voyageur, celle du prieur, si elle est libre. « Ah, monsieur connaît cette vieille histoire ?»« Oui, je suis déjà venu ici, il y a longtemps, près de 10 ans. » « Alors, monsieur a connu mes parents. C'était eux qui tenaient à cette époque. La chambre du prieur est libre. Puisque monsieur la désire, on va la lui donner. Vous y ferez porter mes bagages dès que l'omnibus arrivera. J'ai une course à faire. Je reviens tout de suite. » Il repartit de son pas pressé, s'enfonça dans le quartier qui est derrière Sainte-Croix et s'arrêta devant une maison de peu d'apparence. La porte et les fenêtres étaient grandes ouvertes, mais on n'apercevait personne à l'intérieur. Le jeune homme sonna. Une petite fille apparut sur le seuil. « Jean Cavaron est-il là ?» demanda le voyageur. « Quel nom avez-vous dit ?»« Jean Cavaron. » »« C'était peut-être bien le vieux qui était ici avant nous ?» Elle cria du haut de sa tête. « Maman, est-ce qu'il s'appelait Cavaron, le vieux, avant nous, qui est mort ?» La mère arrivait sans trop se presser, de peur d'embrouiller la laine qu'elle filait. Le vieux était bien Jean Cavaron. Il était mort. Il y aurait 5 ans à la Saint-Martin. Sa fille Marie habitait sans doute Quimper. Non, elle était mariée et elle était allée à Morlaix, à Dinan, où la femme ne savait pas au juste. Après la mort du vieux, sa mère était allée la rejoindre. Le jeune homme remercia et reprit lentement le chemin du Lion d'Or. Que de choses dans les 10 années qui s'étaient écoulées entre ces 2 visites à Quimperlé. Sa mère était avec lui la première fois qu'il était venu. Depuis, il l'avait promené sur toutes les plages méditerranéennes, de Nice à Cannes, de Cannes à Hyères, puis à Gênes, à Naples, à Alger. Enfin, il l'avait vu mourir entre ses bras, désespéré de le laisser seul dans la vie. C'est parce qu'il était encore en deuil d'elle qu'il était tout vêtu de noir. Et pas un ami. Sans cesse occupé de sa chère malade, il ne s'était pas lié avec les jeunes gens de son âge, dont la fréquentation l'aurait distrait de son devoir. Il avait longtemps espéré que Siegfried resterait toujours avec lui. Cependant, il l'avait pressé lui-même de le quitter. Il avait compris la souffrance du savant qui se voyait vieillir sans avoir attaché son nom à aucune œuvre durable, et il avait sollicité pour lui une mission dans l'Amérique centrale. Maintenant, Siegfried courait après les vestiges laissés par les races éteintes du Mexique. Siegfried parti, Emmanuel était absolument isolé dans le monde. Alors le doux souvenir d'antan prit la forme d'une idée fixe. Revoir Jacquette, lui dire sa douleur, pleurer avec elle, telle était l'unique pensée d'Emmanuel. Dès qu'il eut réglé ses affaires de succession et assuré la situation de Siegfried, il partit pour Quimperlé, où il comptait apprendre l'adresse de son ancienne institutrice. Il s'attendait bien à trouver Cavaron vieilli et sa fille moins vive et moins fraîche, mais il n'avait pas pensé que l'un pouvait être mort et l'autre parti. Au milieu de son découragement, il eut cependant un sourire. Il venait de réfléchir que M. Métivier pouvait le renseigner mieux que personne, puisque c'était à lui qu'il devait de s'être rencontré avec la famille de Jacquette. « Fou que je suis !» murmura-t-il, toujours pressé d'agir sans prendre le temps de penser. Il reprit son pas rapide et rentra à l'hôtel aussi précipitamment qu'il en était sorti. Les renseignements qu'il désirait lui furent en effet fournis dans la soirée par M. Métivier, et le lendemain, vers 11 heures du matin, il gravissait la rue des Nobles à Morlaix, se dirigeant vers la demeure de Marie Cavaron, ou plutôt de Madame Kerbois. Il lui fallut non seulement se nommer, mais encore rappeler la noce, la gavotte et la chanson. « Gai petit danseur, j'y suis. C'est que 10 années de plus sur la tête d'un petit garçon en font un jeune homme. La promptitude de votre départ a laissé des regrets à tout le monde. » Madame Kerbois lui apprit que Jacquette était mariée à un monsieur Legal, qu'elle était mère d'une petite fille et qu'elle habitait Saint-Lunaire. Malgré son impatience de voler vers Saint-Lunaire, Emmanuel ne put se soustraire à l'empressement de ses hôtes. Il fut contraint d'accepter le dîner que lui offrait Marie et de se laisser faire les honneurs de Morlaix par M. Kerbois. D'abord, il fallut voir les maisons à lanterne, avec étage en encorbellement et pignon sur rue de la rue des Nobles, de la rue Sainte-Mélaine et de la rue Bourret. En toute autre circonstance, les détails curieux de ces constructions, la finesse de leur sculpture, eussent vivement intéressé le jeune peintre. Ce jour-là, il n'y prêtait qu'une médiocre attention. Sa pensée était ailleurs. Il aurait voulu partir. Il s'irritait, malgré lui, de la courtoisie avec laquelle on l'avait retenu. « Vous avez vu beaucoup de vieilles maisons dans toutes les villes de Bretagne, et vous êtes peut-être en train de penser que celles de Morlaix n'ont rien de très particulier. À l'extérieur, c'est vrai. À l'intérieur, c'est autre chose. » En disant cela, M. Kerbois entra dans le vestibule d'une des maisons de Sainte-Mélaine. Plusieurs portes s'ouvraient dans le vestibule. M. Kerbois poussa celle du fond et pénétra avec Emmanuel dans une de ces cours couvertes, éclairées par le haut qu'on appelle des lanternes. Ces salles, hautes de toute la hauteur de la maison, étaient chauffées par de grandes cheminées de pierre à pieds droits et à manteaux couverts d'ornements, dont quelques-unes subsistent encore, bien que personne ne s'explique maintenant pourquoi elles sont là. Dans l'angle le plus voisin du vestibule aboutissait un escalier qu'ils montèrent afin d'examiner de plus près les piliers de bois sculptés sur lesquels s'appuyait la rampe d'étage en étage, ainsi que ceux des pont-allées ou parties de l'escalier que desservent les logements en façade sur la rue. Il fallut encore voir le joueur de biniou de la rue du Pavé qui fait face à un homme en chemise. Puis les maisons à porches sur le quai, au pied du gigantesque viaduc dont l'énorme masse semble écraser la ville. Après être entré à Notre-Dame-du-Mur pour voir les anciens costumes bretons peints sur les vitraux, Emmanuel et son conducteur terminèrent leur tournée par la cathédrale. Saint-Mathieu n'a plus rien d'ancien que sa grosse tour carrée chargée de mascarons et de lourds ornements datant de la Renaissance. Kerbois n'admettait pas qu'Emmanuel passât à Dinan sans s'y arrêter et qu'il ne saisît pas l'occasion de descendre la Rance en bateau. Pour un artiste, cela valait la peine de dépenser quelques heures. Marie souriait, convaincue que la seule chose intéressante pour le jeune homme était de revoir bien vite sa chère Jacquette. Après une nuit de sommeil fiévreux, Emmanuel s'était éveillé sur cette même idée. Cependant, à Dinan, il quitta le train. Il avait réfléchi qu'il courait peut-être après une déception. Il s'était écoulé tant d'années depuis que Jacquette l'avait quitté. Elle avait dû l'oublier, ou, si elle pensait à lui, c'était comme un enfant étranger. L'amour qu'elle portait à sa fille devait encore contribuer à effacer le lointain souvenir. Il voulait éloigner l'heure où le chagrin d'être reçu par Jacquette comme un inconnu tomberait sur son cœur et garder plus longtemps son espérance. Il prendrait un bateau et descendrait lentement jusqu'à Dinard au milieu de sites charmants, plus intéressants pour un artiste que pour tout autre. Pourquoi donc, au fait, sacrifier son art à une enfantine affection qui aboutirait peut-être à une tristesse de plus? En songeant ainsi, il errait dans les rues bordées de vieilles maisons élevées sur les piliers qui forment des séries de porches ou de passages couverts. Les plus curieuses sont celles de la place de la Croix, de la rue de la Porte et de la rue de Gersoil, qui conduit par une pente abrupte de la ville haute à une porte qui était autrefois la seule entrée de Dinan. Emmanuel crayonna quelques croquis, sans but, pour tuer le temps, puis il reprit sa promenade. Il arriva sur la place Saint-Sauveur et entra dans la cathédrale qu'il traversa sans rien voir. Il s'arrêta quelques instants sur la terrasse établie sur la plateforme d'une ancienne tour, au bout de la place de la Duchesse Anne, revint sur ses pas et se trouva devant une petite église. Il y entra. Un prêtre, en habit de deuil, célébrait un office funéraire auquel personne n'assistait. Emmanuel tressaillit. Ce prêtre, en deuil, bénissant le catafalque vide qui se dressait abandonné dans la lugubre chapelle, la mystérieuse cérémonie mortuaire réveillèrent ses tristes pressentiments. Le prêtre venait de se retourner vers le peuple absent, les bras ouverts, l'œil vague. Il se trouva face à face avec Emmanuel, dont le catafalque seul le séparait. « C'est la douleur que je vais chercher, » murmura le jeune homme. « J'aurais tort de me hâter. » Il continua sa morne promenade et se retrouva sur la terrasse sans savoir par où il avait passé. Il resta quelque temps à considérer la vallée de la Rance, la campagne au pied des murs. Le viaduc qui unit la ville à l'Envaleille et le reste des murailles couronnées de mâchicoulis. « Ah ça, » dit-il presque haut, « je deviens nerveux comme une femme. Je forge moi-même des fantômes dont j'ai peur ensuite. Le meilleur moyen de m'affranchir de mes craintes, c'est de savoir à quoi m'en tenir. D'ailleurs, ces paysages verts m'ennuient. Je laisse les bords de la Rance à ceux qui aiment ce genre-là. Vais-je aller faire un tour au château Cannes ? La bonne duchesse habita pendant quelque temps. Il sert de prison maintenant. J'en emporterai trop d'impressions tristes. » Ce qu'il ne s'avouait pas, c'est que, de nouveau, le désir de revoir Jacquette le poignait. Rien ne soulage l'esprit comme une décision franchement prise. Les papillons noirs étaient envolés lorsqu'Emmanuel arriva à Dinard et ensuite à Saint-Lunaire. Il regarda la plage, le casino bâti au sommet de la dune qui la domine, les quelques villas élégantes groupées de ce côté, et, tournant le dos à la mer, il se dirigea vers le vieux Saint-Lunaire. Il scrutait anxieusement les façades, espérant apercevoir, derrière les vitres, le cher visage de celle qu'il cherchait. Ne voyant rien que des fenêtres closes ou des salles désertes, il se lassa de ce manège puéril, bien résolu de s'informer auprès du premier passant. Ce passant fut une passante, une fillette d'une douzaine d'années vêtue, suivant la coutume bretonne, des mêmes habits qu'eût porté une femme, lourde jupe de drap encore alourdie de mate broderie, corsage ouvert sur une guimpe finement plissée, croix d'or au cou, grande coiffe blanche à barbe relevée et collerette de dentelle couvrant les épaules. Ce costume, dont le souvenir se liait pour lui à celui de son ami, frappa Emmanuel. « Une petite fille de Sker, » pensa-t-il. « Elle est peut-être en visite chez Jacquette, si je l'interrogeais. » Elle connaissait en effet les Legal et pouvait le conduire chez eux. Ce fut du moins ce qui résulta d'un colloque dans lequel la fillette se montra vraie bretonne aux lèvres closes, au regard muet, bien qu'elle eût de temps en temps un sourire si malicieux qu'Emmanuel hésitait à se fier à elle. Elle l'amena devant une maison d'aspect aisé, toute blanche, avec des festons de glycine et de jasmin autour des fenêtres. Emmanuel entendit son rire argentin dans le vestibule, tandis qu'elle disait « Il y a là un monsieur qui m'a demandé si je savais où demeure Madame Legal, et de rire encore follement, comme si elle eût parlé de la chose la plus extraordinairement grotesque. Une femme parut bientôt sur le seuil. Elle portait, comme la fillette, le costume de Scare. Sa coiffe abaissée sur le front laissait à peine voir la naissance des cheveux. Son teint avait cette couleur de brique que le grand air donne aux peaux trop fines. Emmanuel la regardait, immobile et muet, ayant peine à retrouver dans cette paysanne allée la jolie jeune fille dont le souvenir était demeuré si vivant dans son cœur. Elle n'hésita pas, elle le reconnut tout de suite, malgré sa barbe brune, sa haute taille et la virilité empreinte sur son visage. C'était toujours l'ami d'autrefois. Elle le serra dans ses bras en l'embrassant comme lorsqu'il était petit, sans trouver autre chose à dire que « Emmanuel, mon cher Emmanuel !» Elle l'entraîna dans la maison, dans une élégante pièce, moitié salon, moitié salle à manger. La conductrice d'Emmanuel babillait et riait, assise sur les genoux d'un homme d'une quarantaine d'années, à l'air jovial et bienveillant. « Tu vois bien, Yves, s'écria Madame Le Gall, que j'avais raison de l'attendre. Il est venu, mon cher enfant. Embrasse-le, Jacquette, c'est Emmanuel. » La fillette ne se fit pas prier. Elle embrassa le jeune homme comme un vieil ami. Yves Le Gall en fit autant et dit « Vous êtes chez vous. Nous ferons en sorte de vous rendre le logis agréable, afin de vous y retenir longtemps. » Alors il dut raconter comment il les avait découverts. Il dit la rencontre de Quimperlé 10 ans auparavant, sa déconvenue lorsqu'il était revenu pour interroger Cavaron, et la réception empressée des Kerbois à Morlaix. « Si vous venez de Morlaix, interrompit Le Gall, vous vous êtes arrêté à Dinan et vous avez descendu la Rance. C'est pittoresque, n'est-ce pas ?»« Lui ? » fit Jacquette. « Il est venu toujours courant pour revoir sa vieille amie. » Il l'a trouvée bien changée, mais il l'aime toujours, et il est content d'être près d'elle, n'est-ce pas, petit garçon ? Il dit oui, mais il n'était pas bien sûr d'être satisfait. À mesure que le temps passait, cette impression s'augmentait. Entre Madame Le Gall et lui flottait comme une invisible image. La femme qu'il avait retrouvée, c'était bien Jacquette, et cependant ce n'était pas elle. Quand il l'écoutait parler, c'était bien celle d'autrefois. Quand il la regardait, c'était une autre. Il en ressentait un malaise inexprimable. Il était venu pour elle et la fuyait, pour ainsi dire, s'abandonnant aux besoins d'activité de Le Gall qui lui proposait chaque matin une excursion nouvelle. Les plus proches d'abord, afin de ne point laisser la femme trop longtemps seule, puis de plus lointaines, qui prenaient quelquefois plusieurs journées. Jacquette souriait à leur croissante intimité, ne se doutant guère, la chère âme, que son petit garçon ne se sentait pas pleinement heureux auprès d'elle. C'est ainsi qu'ils parcoururent la Grève, de Saint-Lunaire à Saint-Enogat et à Saint-Briac, d'où, prenant le sentier des douaniers, ils suivaient le rivage, contournant chacune des petites criques ouvertes par l'action de la mer dans cette côte tourmentée. Ils allèrent voir les grandes pierres, qui sont sans doute un reste d'alignement, dont les groupes principaux sont au port de la Garde, à la ville U et à la Croix des Marins. Ils visitèrent le port escanique où l'on trouve les plus beaux galets, les roches aiguës et le port U avec ses belles grèves, sur lesquelles la mer découvre de temps en temps les arbres d'une forêt ensevelie sous les sables depuis des siècles. Tout en marchant, ils causaient du passé. Le Gall apprenait à Emmanuel que, en quittant Paris, Jacquette avait accepté une place d'institutrice chez un armateur de Saint-Malo dont lui, Le Gall, était l'associé. Il connaissait la jeune fille depuis sa petite enfance. En la retrouvant, il s'était aperçu de la force de l'affection qu'il avait conçue pour elle et lui avait proposé de l'épouser. Elle était à peu près seule au monde. L'oncle qui l'avait fait instruire, dans l'espoir de la voir entrer comme religieuse enseignante dans un couvent dont il connaissait la supérieure, lui en voulait de son manque de vocation et ne la voyait plus. Les Cavaron lui battaient froid, la trouvant trop demoiselle. Elle avait eu confiance en Yves et lui avait remis le soin de sa destinée. « J'espère bien qu'elle ne s'en repent pas, » ajoutait le brave homme. « Quant à moi, je me sens tous les jours plus heureux. » Il l'avait connu sous son costume national. Il lui demanda de le reprendre pour effacer plus complètement le souvenir des mauvais jours. C'est ainsi qu'Yves désignait le temps où Jacquette avait dû abandonner son indépendance pour vivre chez les autres. Il avait encore navigué pendant quelques années dans la mer des Indes et sur l'océan, ayant sa femme à son bord. La naissance de sa fille Jacquette retint la mère chez elle. Et alors Yves fit comme les autres. Il n'engagea plus que son argent dans le négoce. Une histoire simple comme le bonheur. D'autres fois, c'était Emmanuel qui laissait déborder ses souvenirs. Sa mère avait rêvé pour lui une carrière sérieuse. Elle voulait qu'il entrât à l'école polytechnique, comme avait fait son père. La maladie était venue couper court à ses projets. Le jeune homme n'aurait pu vivre loin d'elle et laisser à des mercenaires le soin d'apaiser ses longues souffrances. Il s'était fait sa garde malade. Il ne l'avait pas quittée une minute, n'ayant d'autre professeur que Siegfried. Dans ses longues stations sur les plages ensoleillées, au bord desquelles sa mère allait chercher une impossible guérison, il s'était pris d'une ardente passion pour la mer, dont le murmure berçait sa douloureuse rêverie. En suivant des yeux les changements du flot bleu, il avait compris les sublimes poèmes de la lumière et de la couleur. Il était devenu peintre. Ses premiers essais, pleins de poésie et de rêves, avaient causé une impression voisine du succès. Sa mère en avait été presque consolée d'avoir un fils artiste. « Et Siegfried, qu'en avez-vous fait ?» demanda le Gall. « Il ne s'était guère attaché à vous, à ce qu'il paraît. » Emmanuel souriait. « J'avais dans la science une terrible rivale, mon bon Yves, et je lui ai abandonné Siegfried. Un de ces jours, nous allons apprendre qu'il a fait quelques découvertes stupéfiantes. » Lorsqu'Yves était appelé à Saint-Malo par le soin de ses affaires, Emmanuel l'accompagnait avec la petite qu'il promenait à travers les rues sombres et tortueuses, s'arrêtant à toutes les boutiques, lui montrant les choses curieuses et les lui expliquant. Devant l'aimable troubadour qui est censé représenter du Guétroin, il lui racontait la vie de l'héroïque marin. Dans la cathédrale, il faisait pour elle ce qu'autrefois Siegfried faisait pour lui. Il lui disait à quelle époque remontait chacune des parties. Mais la petite préférait de beaucoup à toutes les cathédrales du monde le pont roulant sur lequel on traverse le petit bras de mer qui sépare le rocher de Saint-Malo de Saint-Servant, ou bien le rocher du Grand Bay qui porte le tombeau de Chateaubriand. C'était sur les remparts que la conversation s'animait pendant que, regardant la mer, Emmanuel disait à sa compagne les exploits, les découvertes et la grandeur des Malouins. Jacques Cartier donnant le Canada à la France en 1534, la ville prêtant 30 millions au roi de France lors de la guerre de la succession d'Espagne et la résistance aux Anglais. Puis c'étaient les grands hommes dont il lui apprenait l'histoire, du Guétroin, l'illustre amiral, Surcouf, l'audacieux corsaire, Mahé de la Bourdonnais, de Maupertuis, Chateaubriand, Lamennais et Brousset, le savant médecin. Par les beaux temps de calme, il prenait la barque. Il s'en allait à l'île Sésambre, dont la petite plage marque le noir rocher d'un arc blondissant, à Paramé, au fort du Guéclin, à Cancale, en doublant la pointe du Groin, ou bien à la tour de Solidor, qui protège Saint-Servant du côté de la Rance, aux îles Ébihin, à Saint-Jacques-de-la-Mer, à Saint-Cast, où les Anglais furent aussi bien battus le 11 septembre 1758, qu'ils renoncèrent à leurs entreprises contre Saint-Malo et jusqu'au Cap Fréhel, l'extrême pointe de la côte bretonne de ce côté. Brusquement coupé à pic, le promontoire domine une mer parsemée de récifs et d'îlots. À sa base s'élèvent çà et là d'inaccessibles rochers à pans rudement taillés, figurant des prismes, des obélisques, des piliers. Parfois, il gravissait l'étroit escalier de la tourelle accolée au phare, et, debout sur la galerie, il s'abîmait dans la contemplation du vaste paysage dont Yves indiquait les principaux points. Au nord, les îlots des Minquiers, les îles anglaises, les îles Chauzet et la côte normande. À l'ouest, la baie de Saint-Brieuc, le littoral de Tréguier, les roches de Saint-Quay, l'île de Bréa, puis les nombreux villages qui s'échelonnent entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Il rentrait le soir, ivre de bruit, de mouvement et de lumière, d'autant mieux accueillis qu'ils étaient plus joyeux et les longues causeries reprenaient, plus intimes dans l'atmosphère de tendresse dont les entourait Jacquette.